J'ouvre ce soir mon émission avec un dialogue, un court dialogue du film extraordinaire de Maurice Pialat, comme tous ses films. 1972, Nous ne vieillirons pas ensemble, avec Jean-Yann et la belle, pas la belle au bois dormant, Raymond, lâche Chandrison. Non, non, et les blanches beiges. Ah, non, non, les trois aristochats. Pas, non, non, c'est Marlène Jobert qui jouait le rôle de Catherine, si ma mémoire ne fait pas défaut, et Jean-Yann jouait le rôle de Jean. Le temps passe et trépasse dans un monde d'angoisse. Ah! Alors voilà, la citation de Jean-Yann, c'est pas celle-là, parce que ça, c'est pas Jean-Yann, c'est Maurice Pialat. Et moi, je subissais seulement, car je cherchais désespérément une famille. J'étais très seul. Et la solitude à deux, ça ne dure pas longtemps. Tout ça pour ça. Aujourd'hui, le lundi 21 novembre 2022, monte le volume. Monte le volume et hume la différence. Car c'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Une fille aime un garçon dans une voiture volée. Près d'une villa bidon sur une zone en danger. Terrain vague amarré à la cité romaine. Comme un fou décoiffé déshabille une reine. Sous le parking des anges, plus rien ne les dérange. La folie les mélange, c'est la nuit qui les change. Sur le parking des anges, deux anges au petit jour. On fait l'amour sur le parking des anges. Plus rien ne les dérange quand leur corps se mélange dans la lumière étrange. Sur le parking des anges, deux anges au petit jour. On fait l'amour sur le parking des anges. C'est la menthe d'un garçon recherché. Sur le parking des anges, plus rien ne les dérange. La folie les mélange, c'est la nuit qui les change. Sur le parking des anges, deux anges au petit jour. On fait l'amour. Sur le parking des anges, plus rien ne les dérange. Quand leur corps se mélange dans la lumière étrange. Sur le parking des anges, anges au petit jour, on fait l'amour sur le parking des anges. Les hommes sont arrivés avec l'éclat du jour. On s'est arrêté, suspendu pour toujours. parking des anges, plus rien ne les dérange. La folie les mélange, c'est la nuit qui les change. Sur le parking des anges, deux anges au petit jour, on fait l'amour. Je ne veux pas reprendre la belle Dalida qui disait « Je venais d'avoir 18 ans, il était beau. » Non, c'est... Hey, wow, toi! Vole pas le punch. Ils sont toujours comme ça, eux autres. Un s'imagine qu'il va tirer la couverte plus fort que... Non, OK. Alors, pour reprendre, excusez-moi. Est-ce que je vous ai réveillé en ce beau, 21 novembre 2022? À minuit 7:35 secondes, 37. Moi, ça dépend de mes horloges. J'ai tellement d'horloges que j'ai plus la même heure. Je me fie tout le temps à mon horloge biologique. Cette belle horloge biologique qui m'a vu naître, qui va me voir mourir aussi. Celle-là, je la crains pas. Je change pas la pile. Je la change pas d'heure. C'est moi, c'est à l'intérieur de moi-même. C'est... Je suis né comme ça. C'est pas tout le monde qui l'a, l'horloge biologique. Si je me fie, au moins, je vais vous raconter un peu l'histoire de ma vie. Ouais, mon nom? Ouais, c'est Alphonse. Alphonse Fortin. Je suis né à Québec. J'avais un hôtel. Ah oui, ça, c'est des années 50-60. Ouais, facilement, 50-60, ouais. Puis, ça s'appelait l'hôtel Matapédia. C'est passé au feu, c'est pour ça que j'ai fait autre chose, là. Et j'étais dans le quartier Saint-Roch. Je sais pas si vous connaissez ça, Québec, vous. La ville de Québec. Mais c'est là, en basse-ville. Comme disait Sylvain Lelièvre, la haute, c'est pas comme la basse. Non. La basse, c'était les gens qui travaillaient. La haute, c'est les gens qui dirigeaient tout ça, là. Il y avait de l'argent, il y avait de l'argent, moi je restais dans la haute ville, moi, la haute ville, le monde, la haute société, la haute société, ici, il y a de l'argent, moi, je brosse de l'argent. Hein, comme disait Brel, dans une de ses chansons, ces gens-là, il disait quoi, Jacques Brel, dans ces gens-là? Il disait, ces gens-là sont ridicules parce qu'ils... Non, c'est pas ça, non. Faut vous dire que chez ces gens-là, on ne compte pas, monsieur, on ne compte pas. On triche. Il dit plus tard dans sa chanson, il dit, il y en a qui elle aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Hein? Faut pas jouer les riches quand on n'a pas une maudite scène. Quand tout ce que t'as, c'est pas à toi, c'est à la banque. Puis là, tu te promènes avec ta femme, tu sais, ou ta maîtresse, ou peu importe, tu sais, ton baby, là, t'es toujours dans... Ben oui, c'est facile, t'es dans le mode, dans l'effet que tu donnes devant les autres. Dans la superficialité de la vie. Superficialité de la vie, y en a-tu du monde superficiel? Non, pas spécial, sa femme-là. Ah, non, jamais de la vie. Jamais entendu cette femme-là là, dire « Avez-vous vu mes lunettes? Mes cheveux aux 80? Oh, nous étions pas des poètes. Oh, mais mon ami Saturnin, lui, il sait bien. Parce qu'il m'a rencontré en 72 avec Maurice Pialat. » Non, Sandrine n'était pas au monde, hein? Sandrine Bonnaire, presque pas. Mais est arrivé quelque temps, faudrait que je vérifie. Puis quand je vérifie, ben là, j'ai pas l'air d'être dans mon affaire. Fait qu'il faut que je reste concentré, comme le jus d'orange. Si tu es assez concentré, un jus d'orange, ça dépend de quel que t'achètes. T'achètes pas cher, t'as pas cher. T'as toujours pas ce que tu payes. Moi, j'ai toujours dit ça. Tu veux que je fasse ton spectacle, moi, là? Ça me dérange pas. Première partie, tu veux que j'assume? Moi, je peux faire toutes les parties que tu veux. Sauf les parties, j'ai une dernière. Ah, pardon? Non, là, moi, je fais la première ou deuxième partie. La troisième, si ça existe, peut-être. Puis c'est sûr que plus tu montes dans les parties, plus le minutage est moindre. Hein, vous pensez que j'allais glisser dans autre chose? Hein? J'ai pas le droit de faire ça. Oh, j'ai signé un contrat. Ah non, Iran Srenadian demande. Hein? Tu signes des contrats. Parce que on avait, il y a pas, excuse-moi, il y avait il y a pas très longtemps, une personne qui travaillait à la censure, qui coupait les dialogues qui semblaient un peu trop obscurs, un peu trop, comment dire, oui, exact. Qui pourrait déplaire à un public. Et elle arrêtait pas de couper. Et à un moment donné, je lui disais, l'émission ne dure pas 15 minutes, là. Hein? Ça dure 2 heures, bien rempli, là. Bien rempli de bord en bord, puis ça ne déborde pas. Ça ne débordera jamais parce qu'on est là pour que ça se tienne. Un peu comme la béchamel. Mais la béchamel, il y a toujours un sens. Hein? Va pas dans l'autre sens. Tu vas tout rater ta béchamel. La même chose pour le. Oui, pour la crème fouettée. Tu fouettes, mais tu défouettes pas. Pis si tu défouettes, ça va tout foirer. Achète la dent toute faite, mais après, si on... Tu mets ça avec... C'est chic parce que t'invites une jeune fille pour la première fois là, chez toi. Bon, on s'est rencontrés... Je prends la peau de la personne, du garçon qui invite la jeune fille pour la première fois chez lui. Donc, on s'est rencontrés avant dans des lieux publics. Ça, c'est toujours mieux, les lieux publics. Quand même, c'est pas une escorte. C'est une amoureuse pour la vie que tu vas avoir. Tu y montres déjà que tu as une certaine constance, une certaine hiérarchie, une certaine discipline et surtout, j'ai dit discipline, et surtout, tu as des mœurs. Là-dessus, il faut toujours que tu te montres très bien. Après, ça peut se modifier, mais là, c'est pas important. Ça fait que tu l'invites pour la première fois à prendre un café. Non, tu sors pas de bouteille de vin là. C'est la première fois, c'est du café. Puis là, moi, je suis arrivé en disant, désolé, mais moi, c'est du chocolat chaud. Parce que le café, ça m'excite trop, et puis le chocolat chaud, ben, ça me détend davantage. Là, peut-être qu'elle va parler, ah, ben oui, mais vous savez, mon cher monsieur, le chocolat. Je dis, non, on se tutoie, là, quand même, on se connaît depuis 6 ans. Alors, on se tutoie. Elle dit, je ne suis pas une putoise. Non, on se tutoie. Moi non plus, je ne suis pas un putois. Mais pouvons-nous parler, mais en oubliant la deuxième personne? En oubliant le pluriel, première personne, on se tutoie. En restant vivant, là, on ne se tuera pas encore, on verra là, le contrat de mariage, surtout les assurances. Moi, je ne prends pas d'assurance. Ah non, je ne vaux rien. Moi, aux yeux de la société, qu'est-ce que je vaux aux yeux de la société? Je vaux un travailleur qui va s'arrêter à 65 ans, qui va toucher un peu de pension, puis le gouvernement souhaite que je meure à 70 pour ne pas trop payer. Ben, parce qu'il ne veut pas trop envoyer de l'argent, lui-là! Il va en garder pour lui! Mais là, il invente des loteries pour que tout le monde... Ah, c'est des nouvelles loteries, moi, t'as l'acheté, comment ça coûte? Ah oui, c'est 25 $. Ah, mon, c'est cher. Une chance sur deux de gagner, une chance sur deux, je l'achète. Là, elle gratte, elle gagne pas. Elle dit, je vais en prendre un autre. Elle gratte, elle gagne pas. Elle dit, une chance sur deux. Ben oui, mais là, c'est du hasard. Mais je suis pas tombé dans le hasard. Moi, là, je suis tombé dans le démoniaque. Ah, ben là, si vous êtes tombé dans l'ammoniaque, pas l'ammoniaque, le démoniaque, de machiavélique, tout ce qui est pas très bon, très noir, sombre. Oh, je pensais qu'elle allait dire autre chose, mais peu importe. Donc, on parlait de quoi avant d'arriver là-dessus, là? On est monté haut, hein? Sur quelle liane avons-nous posé la main? On va demander à Jane, pas à Tarzan. Tarzan, il va dire... On connaît le dialogue de Tarzan. C'est pas compliqué, hein? Le gars qui dit, moi, je veux faire un film. Il appelle Warner Brothers. Aujourd'hui, il faut pas appeler les grandes... Paramount Pictures. C'est un gag. Faut, malheureusement, descendre dans le sous-bassement du cinéma et faire affaire avec des gens qui ont des sites internet comme je les nomme je les zoomerai pas, mais disons Amazon. Là, t'appelles Amazon. Faut-tu être décidé de sortir quelque chose parce que moi, je suis pas heureux. T'sais. De un, je crois qu'Amazon a jamais fait d'œuvre intellectuelle ou d'œuvre littéraire qui tiennent le coup comme Maurice Pialla ou bien d'autres. Là. Il y en a beaucoup. Agnès Varda, Jacques Demy. Hein? Non, c'est Derry. Mais non, c'est Demy. D-E-M-Y. Je connais mon cinéma, toi, là. Alors, merde. Puis là, je l'ai dit. Jean-Luc Godard, est-ce que Amazon aurait signé un jour un film de Pialla, qui est mort il n'y a pas longtemps? Je m'en doute. Je me doute très bien du N-O-N. Non. Parce que ça va toucher qui, ça, Godard? Qui connaît Godard? Je travaillais avec... Je l'ai dit, il n'y a pas grand long... Ben, en tout cas, les gens ne m'écoutent pas tout le temps, là, mais heureusement pour vous. Mais je l'ai dit à un collègue de travail qui adore le cinéma. J'ai dit, t'aimes-tu le cinéma? Parce que j'avais... La veille, j'avais appris la mort de mon ami JLG. J'ai dit, aimes-tu le cinéma d'auteur? Non! J'ai dit, t'aimes le cinéma, mais pas le cinéma d'auteur. Non! Pourquoi? Moi, quand je regarde un film, là, je veux pas réfléchir. OK, t'aimes des films de crétins, de caves, d'insignifiants, un peu comme toi-même, tu es. Là, il est parti. Il était voir son patron. Il dit, patron, on va raconter ce qui s'est passé. Je parlais avec... On va le congédier. Il est venu me voir, le patron. Il dit, qu'est-ce que tu y as fait? Ben, j'ai dit, connaissez-vous vos patrons, Jean-Luc Godard? Il dit, veux-tu nous vendre des bonbons, de la gomme ballon? J'ai dit, non, il vend plus, il est mort. Ah, mon Dieu, c'est sympathique. On va lui envoyer des fleurs, il reste où? Ben là, il reste en Europe. Il reste en Europe, il voulait nous vendre quelque chose en Europe. Mais non, c'est pas un vendeur, c'est un cinéaste. Aimez-vous le cinéma, vous? Ah, mon Dieu, moi, le cinéma. Ça rapporte soit des good busters, là, SOS Buster, tue-moi le Buster, laisse-moi le Buster, puis Buster Keaton. Vous connaissez Buster Keaton? Ben, à peine, là. Ben, en fait, c'est ma belle-sœur qui me l'a présenté. Parce que, en fait, la fille de mon neveu connaît la jeune fille de ma sœur qui, elle, récoltait ses cendres au jour où son frère a rencontré la grand-mère de son beau-frère. J'ai dit, oh, sainte tabarnouche, je pense que je viens de comprendre quelque chose. My head to the news. Monsieur Brisebois? Oui. Oui, on vous appelle parce qu'on a un petit problème. Un petit problème. Oui, vous avez acheté un âne, hein? Oui. Mais le problème, c'est qu'il veut pas bouger. Ben, il veut pas bouger. Il bouge, mais il veut pas nous suivre. Tiens, vous savez, quand on dit, hein, l'âne à claque, j'en ai ma claque, et puis l'âne me suit, ou l'âne m'essuie. Non, ça vous dit rien. En tout cas, vous avez acheté quand même un animal assez compliqué, puis la livraison, ben, c'était unique, hein. Vous achetiez une chèvre, un cheval, un zèbre, un lama. Quoique un lama, faut faire attention, hein. Faut pas le contrarier parce qu'on se fait cracher du Serge Lama constamment. Oh, je sais que bien plate, puis on savait bien qu'avec Lama, on allait dire Serge Lama. Mais vous savez que la brebis, aimeriez-vous changer ça, votre âne pour une brebis? Ça fait pas la même chose, ben non, je sais bien, mais ouais, ça fait parce que je côtoie régulièrement des ânes. Non, pas des âmes, parce que les âmes ne sont pas pures, mais l'âne est pur. Mais il y a une tête de coron. Ça fait, on n'a pas de coron. On n'a pas de coron, on a juste l'âne. Avec la tête de coron. Mais c'est une tête, non, c'est une tête d'âne, mais à l'intérieur, il veut rien savoir. Il veut rien savoir. Tu lui dis, tourne à droite, il tourne à gauche. Ça, c'est pas pire. Ça, j'aime ça. En fait, c'est l'âne, là, c'est un anarchiste, mon cher monsieur. Êtes-vous anarchiste vous-même? Ah, ça pourrait être votre... Ah, OK, ça représentera... ça va représenter votre emblème. Oh! Pour votre veillée. Oui, à quel moment a lieu votre veillée, là? Nous sommes le 21 novembre 2022, lundi, puis vous m'appelez, là, mais je vous ai appelé, c'est moi qui vous ai appelé, je le sais, mais vous m'avez appelé hier, dimanche. Dimanche le 20, ça va, mais moi, le lundi, là, c'est parce que vous m'avez mentionné, hein, c'est dans votre message, appelez-moi d'une manière urgente, hein, c'est urgent, je veux vous parler, puis je veux que vous m'ameniez cet animal-là, puis je compte sur vous. Comptez sur moi le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, mais pas le lundi. Maudite journée de schnattles. Le lundi, j'en fais des plaques solitaires. Moi. Ah, regardez-moi la plaque. Elle est solitaire, hein, elle est toute seule. Elle est toute seule, mais elle a eu ça. Elle a eu ça, non, d'être une plaque, pas d'être seule. Elle aime bien ça, la solitude, elle. Parce qu'elle sait que la solitude, ça n'existe pas. Oui, c'est du béco. Et puis, donc, ben, votre âne, là, mon cher monsieur, votre âne, c'est pour participer à votre projet, puis vous voulez payer cher, là, parce que moi, je proposais 600$, vous m'avez dit 2500$ si je le reçois le 23. Mais là, le 23, c'est mercredi, selon moi, hein? Aujourd'hui, on est lundi le 21. Demain, c'est mardi le 22, hein? Puis, mais le 23, c'est... Et puis, il veut rien savoir. Moi, j'essaie de faire mais vous savez que j'ai ma femme, Georgette, qui, elle, fait des... oui, elle peut... Si l'âne veut bien collaborer, elle peut faire de l'hypnose sur lui, puis on peut vous l'envoyer facilement, mais il a une tête de coron, je vous l'ai dit, une tête de coron, il veut pas se faire, non, l'hypnose pour lui, là, ça va être, mais attends un peu, toi, là, regarde-moi dans les yeux, puis quand on lui dit, regarde-nous dans les yeux, il se retourne, fait que nous autres, on a une vision sur son trou de pète, la queue qui, tu sais, ça tourne comme une horloge. L'horloge de Charles Baudelaire. Connais-tu le texte de Charles Baudelaire, l'horloge? Veux-tu que je te la lise? Veux-tu que je la récite? Parce que je ne peux pas la lire, je ne l'ai pas récite. Mais Mylène Farmer en a fait une petite chanson qu'on n'entendra pas aujourd'hui. Ah non, non, l'horloge de Baudelaire, chantée par Mylène Farmer. C'est à l'époque où... c'est un petit peu avant Libertine. C'est deux disques... trois disques avant... après Libertine. Et puis, c'est extrait de son album « Ainsi sois-je ». Hein, je connais mes repères. Hein? Je regarde nulle part, M. Tremblay. Regardez les caméras, là. Me voyez-vous? Vous me voyez? Bon. Est-ce que je lis? Non, j'ai de la misère à lire dehors. Moi, le tarot, là, mais là, pour venir à... on peut pas vous livrer là, le 23. Non, mais non, il veut rien savoir. Je pense que votre projet, là, ça l'intéresse pas. Je veux pas vous faire pleurer. Là. Je sais que vous avez bien une tremble. Non, mais je le sens sur votre... Oui. Mais je veux pas vous faire du mal. Mais on peut changer d'animal. Le déguiser en âne, ça pourrait passer par le zèbre. On a un habit d'âne extraordinaire pour le zèbre, puis il est tellement intelligent, ce zèbre-là. Puis, si vous avez des enfants, il sera heureux de passer des soirées dans votre salon à vous chier. Il gigue. C'est un zèbre qui aime bien le folklore. Ah, mon Seigneur. Swing la baquette dans le fond de la boîte à bois. Il est parti pour la semaine, lui. Là. Ah, oui. Il est agréable. Puis, quand il vous voit, là, il sourit, il fait comme ça. Il est tellement... Oh, wow. C'est aussi joli qu'un poisson rouge. Hein, le matin, quand vous vous levez, le poisson rouge est heureux de vous voir. Il vous regarde, il est dans son bocal, il vous regarde. C'est qui ça? Il ne se souvient jamais. Même après 10 ans, le poisson rouge ne va jamais se souvenir de vous. Mais tandis que mon zèbre, ah mon Dieu, puis il est pas mal zébré comme disait Brel. J'ai parlé de zébré, de zébrel, oui, j'ai parlé de Brel tantôt. Hein, il disait dans une de ses chansons, d'un cheval mal zébré. Mais moi, c'est pas un cheval que je déguise en zèbre, là. Je mets pas un pyjama là-dessus, là. C'est vraiment un vrai zèbre. Puis vous avez juste à lui demander s'il connaît Kalamazoo. Il va vous dire « Wheez! » C'est-tu Kalamazoo qui faisait ça? Oui, je suis pas de l'époque de Passepartout. Ah, voilà. Ah! De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit... Vas-y, mon char! En auto... Oui! Ou en autostop... On y va! Attention! Vers les rivages du Midi... Wow! National 7! National 7! Oh, mon Dieu! Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome... 6 à 7! Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6... Ou 7! C'est une route qui fait recette. Ah, ça fait recette, ça fait de l'argent, de la belle argent. Route des vacances. Ouh, les vacances, c'est bientôt. Qui traverse la Bourgogne et la Provence. La Provence, c'est provincial. Qui fait de Paris un petit faubourg de Valence. Oh. Et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité. Chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité. On chante en fête. Oh, en fête. Ah. Les oliviers sont bleus. Ma petite Lisette. La petite Lisette. L'amour joyeux est là qui fait risette. Ah, la petite Lisette. On est heureux, National 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Route des vacances. Oh, les vacances. Qui traverse la plus belle partie de la France. Presque Florence. Qui fait de Paris un petit faubourg de Valence. La Nice. Et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Oh, Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été. L'été. Remplit nos cœurs de sa lucidité. Lucidité. Chasse les aigreurs et les acidités. L'acidité. Font le malheur des grandes cités. Tout excité. On chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là qui fait risette. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. National 7, on peut-tu continuer si vous le désirez, Monsieur Trenet? Non, avec une autre chanson, s'il vous plaît. Ah, celle-là. Oh yeah. The Who. Ah, baby, don't you do it. you break my heart. Please don't you do it, baby. Well, I sacrificed to make laughter. I kept nothing for myself. Now you won't leave me, baby, for the love of someone else. Well, I'm trying to do my best. Try to do my best. Don't you do it. Don't do it, baby. Don't you break my heart. Please don't you do it, baby. Don't you do it. down to the river. There I'll be, not the riding man. Don't see about me. Gérard, as-tu remarqué que Gaétan a changé ces temps-ci? Je sais pas, là, je la vois différemment. Ben oui, mais toi, t'es pris dans son regard. Lâche-la un peu, là. Ça fait 45 ans que vous êtes mariés. Ben oui, mais quand je vois des différences, je me demande... Tu demandes quoi, là? Si elle t'a triché, ça va voir ailleurs? Non, mais non. Mais non, je vois... Pourquoi, dans mon regard, elle est modifiée? Toi, tu la vois comme ça, mais pas... Tu la vois occasionnellement, pas tout le temps comme moi. Ben oui, mais moi, je vois pas de différence, là. Quoi? Bon, OK, elle s'habille en noir. Avant ça, elle était plus en rouge. Mais non, je sais pas, c'est dans son apparence. Ben oui, je sais son apparence, mais le vêtement, c'est une apparence aussi. C'est l'apparence, c'est on peut se modifier avec ça. Oui, oui, oui, mais non, il me semble que c'est autre chose. Ben, autre chose. Eh, monsieur, donc, là, tu me poses des questions. Je l'ai vu, on a joué aux cartes hier, hein? On a joué aux cartes, et puis, qu'est-ce qu'elle s'est levée pour aller chercher, bien sûr, une limonade, deux glaces, pas de paille, parce qu'elle dit, moi, les pailles en carton. Ah, mon Dieu Seigneur! Hein, là, le gros débat, c'est les pailles en carton. Pourquoi plus de pailles en plastique? Pourquoi plus de sacs en plastique? Pourquoi le plastique est devenu aussi difficile dans notre société contemporaine? Et on le maudit, on veut plus l'avoir, on le chasse de notre vie, puis hein, c'est comme le, tranquillement la viande. Pourquoi le manger de la viande? Quand on est de la viande, c'est de la viande, on a de la viande. Mais non, c'est pas ça. C'est la modification de ma partenaire. Oui, mais ta partenaire, c'est pas la mienne, c'est la tienne! Oui, mais tu trouves pas? Ben, je trouve plein d'affaires ailleurs, mais pas chez elle, là. Faut dire que j'ai pas une fixation sur ta copine. Comment ça? Tu la trouves pas jolie? Tu la trouves pas différente? Ah, je la trouve hors norme, là. Mais pour toi, ça va très bien. Je sais pas pour d'autres, là. Ah, oh, tu veux dire qu'elle est particulière, puis c'est juste pour moi qu'elle est comme ça, puis si je l'aime, c'est parce que personne l'aime, puis je suis tout seul là-dedans, puis... Qu'est-ce que tu veux dire, toi, là? Qu'est-ce que tu veux dire, toi, là? tu veux me déchirer le cœur, là? Ben non! Ben non, vous êtes faites pour aller ensemble. T'as raison. Excuse-moi, là, je te jugeais. Tu me jugeais, voyons donc. On fait juste parler de... C'est toi qui m'a apostrophé sur ton épouse. C'est pas mon épouse. Jamais été mon épouse. C'est ma copine. Mais c'est ta copine, épouse, copine. Pas même chose. Il n'y a pas de fixation, il n'y a pas d'autographe. On n'a pas signé en bas de la lettre, là. La non-demande en mariage de Georges Bassens, là. Il a bien raison. Moi, j'ai jamais signé ça. Mais pourquoi tu n'as pas signé ça? Tu l'aimes pas? Je l'aime, mais pas de cette façon-là. Pas d'une manière... Tu sais ce que je veux dire. Pas d'une manière... Là, je me retiens, là. Mais je veux pas que ce soit bureaucratique. Je veux plein, non. C'est intérieur. C'est humain. C'est pas juste de la paperasse, puis que, tu sais, on se témoigne devant des clowns. Là, voulez-vous marier? Mais non. Je veux pas la marier. Je l'aime. Ça se dit pas. Tu perds ton français, je l'aime, ça se dit pas. Mais je l'aime, oui. On va dire ça. Okay, on va placer des belles. Des ponctuations, hein, des guillemettes. On va mettre deux belles guillemettes à la fin puis au début. C'est ça que je veux dire. Et puis, ça te fait du bien? Mais non, mais il y a une différence. Je sais pas. Toi, tu vois rien. Non, moi, je suis un arien qui voit rien. Je suis un voyant qui est aveugle. Je suis un entendant qui veut bien quelquefois me placer en sourdine. En mode sourdine. Moi, c'est des modes, hein. Je veux pas m'impliquer. J'aimerais bien ça être un fantôme, mais je suis dans le monde des vivants. Et puis, mais je voudrais aussi te dire que j'ai remarqué qu'elle avait peut-être le cheveu un peu plus court. Mais c'est pas les cheveux. C'est quoi? Je sais peut-être pas moins, là. Elle est peut-être un peu amoureuse de moi. Un peu! Un peu. Beaucoup. Passionnément à la folie. Laisse-toi aller, toi. Laisse-toi aller. Délivre-toi de tout ce qui t'entoure. The farmer over there hits again. Avec The Who. The poor people on the boards get it so rough. The truck driver drives like the devil. The policemen, they acting so tough. They need water. Good, good water. Water. And I'm sure there ain't one of us here who'd say no to somebody's daughter. Let's go! baby's son, like his daughter. One of us here who'd say no to somebody's daughter. Oh no.